Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 234e épisode le 22 juin 2021, alors que le Bitcoin dégringole en dessous des 30 000 dollars fatidiques. Dans cet épisode, on va vous parler de la lutte qui s'organise contre les groupes qui organisent des ransomware, ces attaques qui chiffrent, vous le savez hein, maintenant, vos données et vous demandent des rançons pour accéder aux clés pour les déchiffrer. En tout cas, ça concerne surtout les entreprises, bien entendu. On parlera également de l'organisation politique en matière de tech aux États-Unis et de l'actu autour des bitcoins. Et puis, on va vous parler encore d'espace, de contrefaçon de processeurs. Bah oui, ça devait arriver tôt ou tard. De destruction de produits par Amazon, qui cette fois-ci ne concerne plus vraiment la France. Enfin, en tout cas, on n'en parle plus en France, mais plutôt Royaume-Uni. On vous parlera également de jeux vidéo avec l'actualité du moment. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile toujours enthousiaste. Et je retrouve celui qui est à la démocratie, ce sont les bulletins de vote. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Eh ben oui, donc je suis un petit peu en danger, hein, puisque les machines à voter se sont généralisées un petit peu pour ce scrutin, donc je sais pas ce que je vais devenir. Oui, alors je voudrais peut-être qu'on en reparle tout à l'heure, juste avant nos news d'actu, en façon rubrique actu chaude. On verra, il y aura juste un petit rappel à faire, je pense, pour ceux qui nous écoutent. En attendant, on va relayer quelques avis sur Apple Podcast, donc j'en ai deux là cette fois-ci à relayer. Il y a Lajoub qui a écrit « Toujours enrichissant et varié ». Cependant, certains sujets comme la crypto sont abordés sans expertise, se contentant de lire les news mainstream. Alors là, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il évoque, parce que si on a relu des news mainstream, je sais pas ce qu'on a fait sur ce sujet. Mais bon. Guillaume est souvent condescendant. C'est... Alors là, ça c'est dur. C'est bien la première fois qu'on me dit que je suis mainstream. Bah oui, ça m'a étonné, mais attends, la suite va aussi peut-être t'étonner. Mais Guillaume est souvent condescendant. Alors c'est toujours l'avantage, c'est comme on s'appelle tous les deux Guillaume, on sait pas avec qui il s'agit, dans les sujets abordés. Un peu le monsieur je sais tout, j'ai raison, c'est un peu agaçant. Bon, écoute, Lajoub, merci d'avoir mis 3 étoiles. On va continuer à regarder, mais vraiment, on ne comprend pas cette remarque relative aux news mainstream. Donc, je ne peux qu'inciter les autres personnes qui nous écoutent à aller déposer aussi un avis sur Apple Podcast pour dire ce qu'ils pensent de cette évaluation. Si jamais ils abondent dans ce sens, et après tout, il faut peut-être qu'on réalise certaines choses, ou au contraire, si vous ne partagez pas son avis. Mais en tout cas, je voudrais aussi relayer l'avis de Lionel Robertin qui a dit que lui, il dit je l'écoute depuis, il parle du podcast évidemment, je l'écoute depuis les Antilles. Tous les matins sur la route du travail avec les embouteillages. Écoute, je déplore les embouteillages dans lesquels tu es amené à évoluer tous les matins, mais je suis ravi de savoir que tu nous écoutes, Lionel, et merci beaucoup pour ton évaluation. Alors, vous avez peut-être entendu hein, au début de cet épisode un sponsor. Il nous aide à faire grandir le podcast, à en assurer la pérennité. Et puis, si vous aussi, vous voulez un peu mettre votre pierre à l'édifice, vous pouvez vous éviter cette publicité et même profiter du chapitrage des émissions en vous inscrivant sur Patreon, patreon.com/techcafé. Et vous pouvez contribuer à partir de toute petite somme pour chaque épisode. Et évidemment, c'est sur le principe des petites rivières qui font les grands fleuves, et plus vous êtes nombreux à participer, plus évidemment c'est extrêmement précieux pour nous en termes de suivi et de ressources. Donc merci beaucoup d'envisager le soutien de Tech Café sur Patreon. Avant d'attaquer nos news, comme je le disais, je voulais juste qu'on touche un petit mot, Guillaume, d'actualité semi-tech, parce que bon, on est entre les deux tours là de vote autour des régionales et des départementales, qui ont vu arriver des records d'abstention sans précédent, et des voix s'élèvent, alors bon, sur les réseaux sociaux, ou d'ailleurs de la part de journalistes tech plutôt avertis, et c'est d'ailleurs ça qui me met la puce à l'oreille, qui repose un petit peu la question du vote par Internet. Et c'est vrai, peut-être que vous avez entendu autour de vous, parmi vos proches, des personnes qui vous disent « Oh, moi, ça m'agace d'aller voter, j'avais autre chose à faire, j'ai zappé, j'ai voulu mettre en place une procuration, j'ai pas eu le temps. Ce serait tellement plus simple de voter comme on envoie un SMS. » Et il y a en général deux écoles qui s'affrontent sur ce sujet. Il y a l'école du « Bon, faut voir, oui, ça pourrait être pratique, mais il faudrait quand même étudier le sujet. » Et évidemment, je donne les positions les plus modérées sur cette thématique. Et l'autre position, c'est de dire « No way, aujourd'hui la technologie ne nous permet pas d'avoir la même traçabilité que ce que nous permet le vote au format papier et ne permet pas non plus de garantir la même confidentialité dans les votes. » En gros, schématiquement, on pourrait dire rien ne permet de garantir que quelqu'un qui vote derrière un smartphone chez lui n'est pas influencé par son conjoint, sa conjointe, quelqu'un dans sa maison. Et donc l'isoloir, le fait de t'isoler dans un espace individuel, dans un point de vote, fait que ça garantit le fait que tu votes qui tu veux, grosso modo. Alors, il y a beaucoup d'arguments et de contre-arguments qui peuvent ressortir sur ce sujet. Moi, j'avoue qu'à la base, je pense que ça fait partie de ces sujets sur lesquels j'ai pas trop envie de voir intervenir la technologie, et je pense que ça reste un petit peu des fondements de notre fonctionnement de démocratie. Et tant qu'on ne saura pas vraiment bien mieux gérer en toute transparence la technologie et avec une confiance aussi grande que nous le permet le papier, je pense que je serais encore très réticent à voir des évolutions à ce sujet. Mais en même temps, il y a aussi d'autres voix qui s'élèvent, qui disent « Non mais enfin attendez, aujourd'hui, par exemple, les paiements en ligne, les virements, on sait bien aujourd'hui qu'on peut avoir toute confiance. Pourtant, on ne voit pas les virements se passer de bout en bout, mais on voit bien les résultats. » Bon, je pense que les comparaisons ont des limites, parce que dans le cas du vote, tu n'es pas forcément en phase de la destination de ton bulletin de vote. Mais voilà, je trouve que c'est des débats qui continuent à évoluer. Moi, je n'ai pas trop changé d'avis sur le sujet depuis que j'ai été convaincu par le fait que ce serait très, très, très compliqué de remplacer le papier. Je ne sais pas si tu as un avis sur le sujet, toi, Guillaume, et est-ce qu'il a pu évoluer dernièrement ? J'ai pas vraiment d'avis plus que ça sur le vote par Internet. Moi, j'ai été confronté pour la première fois de ma vie, et oui, comme quoi, tout peut arriver, à une machine à voter. Ah. C'est marrant, j'avais jamais utilisé de machine à voter, donc là où je suis allé voter sur une machine à voter qui ressemblait à un gros TO7, et finalement, c'était pas plus mal. Je veux dire, c'est vrai qu'on dirait la technologie des années 70, et c'est assez rassurant, finalement, puisque c'est vrai que ça paraît pas être piratable par Internet, ce truc-là. J'ai l'impression que ça sait pas ce que c'est Internet, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et je me dis, bon, bah oui, pourquoi pas, quoi. Bon, alors, c'est vrai qu'ergonomiquement, il y a peut-être encore des petits trucs à réfléchir, mais bon, pourquoi pas, tu vois. Moi, ça me dérange pas de voter sur une machine, à la limite, si elle est sécurisée, si elle est offline, tout ça, bon. Le fait est que la machine, d'ailleurs, elle remplace plutôt l'urne, finalement, que l'isoloir lui-même, en fait. C'est vraiment un segment comme ça. On ouvre la machine, comme on ouvre l'urne, et puis après, on fait à voter, etc., et on referme la machine par un opérateur, donc, qui est le président du bureau, quoi. Mais tu présentes malgré tout ta carte d'électeur et ta pièce d'identité à des humains. Oui, bien sûr. Bah, tu arrives devant un humain, tu présentes tes pièces d'identité, après tu vas dans l'isoloir qui est aussi là où il y a la machine à voter, et tu appuies sur un bouton, voilà, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Il n'y a pas d'écran que dalle, hein, c'est vraiment beau. D'accord. Et une fois que tu as fait ça, ben, en fait, le gars te dit, voilà, à voter, puis voilà, tu sors. Et voilà, il y a des clés. Enfin, c'est lui qui fait l'opération du truc, quoi. Donc, c'est vraiment plus une urne électronique, en fait, hein, qu'un isoloir tout seul. C'est bon, voilà. Enfin, il y a des petits soucis peut-être ergonomiques, parce que c'est vrai que du coup, faut bien reconnaître si tu veux pour qui tu veux voter, que espace sont plantés de boutons, que c'est assez vite fait. Mais sinon, ouais, c'est pourquoi pas, tu vois. Après, le vote par Internet, ouais, ça pose d'autres soucis. Oui. Ça pose, je pense, tu as raison de cloisonner le débat sur deux aspects. Il y a le vote numérique qui remplace le papier et le vote connecté par Internet, qui sont vraiment deux sujets très différents, finalement. C'est pas forcément impossible en soi, c'est pas le souci. Hein. C'est d'ailleurs, techniquement, c'est pas possible. Mais justement, il y a des considérations non-tech qui arrivent dedans, et voilà, comme c'est non-tech, voilà, c'est plus compliqué, et j'ai pas plus d'avis que ça, quoi. Bon, écoute, c'est des sujets qui continuent, en tout cas, à être partagés, et c'est peut-être là aussi où je pense qu'il faut qu'on prenne du recul, c'est que j'aime pas trop les positions de principe, et j'aime bien aussi quand on peut continuer à redonner les mêmes arguments. Si c'est de la répétition, après tout, pourquoi pas, et si jamais l'ensemble de la population est convaincue, tant mieux au final, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait au moins la possibilité d'en discuter sereinement. Ça, c'est très cool. On va mettre ça de côté et on va passer sans autre forme de procès à nos news que tu nous as collectées durant toute cette semaine, Guillaume, avec ta veille, et pour laquelle on va vous appuyer les sujets qui nous paraissent incontournables avec l'actutech et ses enjeux de société, à commencer par le combat, comme je le disais en intro, qui vise les groupes qui s'organisent autour des activités, bien entendu illégales, de ransomware, Guillaume. Ben ouais, parce que ça y est, l'Ukraine arrête la clope, enfin le clope, ça s'écrit clope avec un 0, C-L-0-P, et c'est le nom d'un groupe de hackers basé en Ukraine, hein, qui faisait dans le ransomware. Donc c'est une pratique qui est toujours très prisée, hein, qui ne cesse de se développer. Encore la semaine dernière, les parlementaires à Washington, aussi bien que les gens qui prennent le ferry à Nantucket, ont fait les frais, hein, puisque Steamship Authorities a été attaqué, paralysant certaines lignes maritimes. Donc Cyclope, c'est moins connu que Rivol ou Babouk, c'est quand même un groupe respectable, hein. La preuve, les flics ont ramené un beau butin de leurs 21 perquisitions autour de Kiev, $185 000 dans des sacs plastiques de supérettes, mais aussi des voitures Tesla, des Mercedes, des Range Rover. Donc il y a eu 6 personnes arrêtées, et qui tenaient un bon petit business, il faut dire que bon, elles ont quand même rançonné une 60aine de boîtes, pas toutes super connues, hein, mais certaines quand même pas mal, puisqu'il y avait Stanford, il y avait l'Université de Californie, où il y avait Shell, et en 2019, il y a 4 entreprises coréennes qui ont été attaquées par Klopp, qui a aussi des victimes françaises et canadiennes, hein, et qui ont fait beaucoup de dégâts. Donc c'est un préjudice qui a quand même été estimé à $500 millions, et qui a sérieusement énervé les autorités. Donc de fil en aiguille, la police coréenne se coordonne avec les fédéraux américains et la police ukrainienne, et ça aboutit à ce coup de filet, hein. Comment on dit maintenant, on dit un coup de filet. Donc 6 personnes arrêtées, 6 personnes dont certains sont des bons pères de famille. Ça paraît pas énorme, hein, pour une gang de bandits qui terrorisent des dizaines de boîtes à travers le monde, hein. Surtout qu'il est probable que ça aille pas beaucoup plus loin. C'est que le monde des ransomware, de la cybercriminalité en général, c'est un véritable écosystème dont on peut parler un petit peu ici. Dans les derniers mois qui viennent de passer, j'ai l'impression que l'actu est chaude et on peut se poser un petit peu avec du recul, effectivement, sur l'activité du ransomware au sens large. Oui, mais comment ça marche? En fait, c'est marrant parce qu'il y a une véritable chaîne où tous les maillons les maillons ne se connaissent pas entre eux. Donc en fait, tout ça se coordonne sur des forums du dark web en général, donc sous Tor, hein, donc des sites Onion, où on va de manière parfaitement anonyme, hein, pour proposer ses services ou décrocher un contrat. Donc c'est très spécialisé en fait, hein. Donc il y a les botmasters, donc c'est ceux qui ont des réseaux de PC zombies par exemple à travers le monde, hein, qui vendent des services d'envoi de spam, de phishing, de DDoS, ou même l'accès à des machines compromises, hein, pour faire un petit peu ce que tu veux après dedans le réseau. Puis il y a aussi les fournisseurs d'accès comprennent ceux qui ont réussi à pénétrer une cible et qui vendent donc un accès. Alors un accès, ça peut être un web shell, ça peut être un RDP, c'est-à-dire un bureau à distance, comme sous TeamViewer ou ce genre de truc. TeamViewer d'ailleurs, pour moi TeamViewer c'est l'application qui me permet de dépanner ma maman à distance. Oui, tout à fait, mais ça me fait marrer parce qu'effectivement je sais plus lequel, mais c'était un truc. C'était le réseau d'eau, je crois, américain, qui avait été compromis parce que TeamViewer avait un mot. Avait réussi à choper le mot de passe TeamViewer. Et en fait, ce réseau d'eau, ça aurait pu être très très grave, parce qu'en fait, il aurait pu être empoisonné, ne serait-ce que comme ça. Donc il y a vraiment des conséquences extrêmement graves. Mais je voulais pas me répéter, parce que j'étais pas sûr qu'on en avait parlé ou pas. On n'avait pas explicitement parlé de ça, on avait parlé évidemment du pipeline, je crois, mais pas de celui-ci, il me semble. D'accord. C'est une news plutôt ancienne, en fait, hein. Donc effectivement, c'est le réseau d'eau. Le mec pouvait changer les réglages, en fait, c'était de l'épuration, ou je sais plus trop quoi, du traitement des eaux. Et donc, en gros, via TeamViewer, il pouvait se loguer sur un PC, et avec ce PC, il pouvait changer les réglages de manière à rendre l'eau plus potable, quoi. Donc c'était, il n'y a pas eu de victimes finalement, mais c'est vrai que ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Donc voilà, ne serait-ce que juste, loguer TeamViewer, ça peut avoir des grosses conséquences. Et tout ça, en fait, ça se vend, tout simplement. C'est-à-dire, les gens qui ont des accès, qui arrivent à choper des accès comme ça dans les entreprises, souvent, ils ne les utilisent pas pour eux-mêmes, en fait. Ils les revendent. Donc, par exemple, l'accès à une PME d'une quarantaine d'employés, un petit truc, ça commence vers $50, puis ça peut monter à plusieurs milliers de dollars pour des trucs plus gros, quoi, pour des cibles plus juteuses. Mais il n'y a pas que ce genre de boulot, en fait. Il y a plein de boulots. Il y a aussi les documentalistes, par exemple. Donc, c'est ceux qui s'occupent d'éplucher les données volées pour en tirer les infos monétisables. Donc, tu leur files, des trucs hyper compliqués comme des livres de compte que t'as chopé dans une grande boîte, et on voit 500 pages des livres de compte, et eux, ils épluchent ça, et puis on regarde s'il y a des trucs, qui sont compromettants, quoi, par exemple. Après, il y a quoi? Après, il y a les négociateurs aussi, hein, ceux qui rentrent en contact avec les victimes directement, ceux qui les menacent de diverses manières, leur envoyant des messages, des mails, des SMS, voire même par téléphone. Après, il y a les blanchisseurs, hein, ceux qui récupèrent le fric, ou les cryptos, en général les cryptos, et qui assurent que les transactions soient bien opaques, hein, comme il faut. Et puis évidemment, au centre de ça, il y a quand même les ingénieurs, c'est-à-dire ceux qui font les codes des ransomware. Et ces codes de ransomware, en fait, c'est devenu des suites logicielles exactement comme Norton ou Kaspersky, mais pour faire exactement l'inverse, c'est-à-dire vous niquer. Donc c'est frappant, parce que quand tu vois dans les forums, tu vois des offres d'abonnement à divers tarifs, selon la durée, le service, de standard à élite, hein, pour 1 à 12 mois, avec assistance et fonctions spéciales. C'est ransomware 365, c'est impressionnant. Sur le cloud, c'est beau. C'est vraiment ça, c'est incroyable. Et donc, un groupe de ransomware, en fait, c'est un nombre assez restreint de gars qui se connaissent ou pas et qui recrutent des affiliés pour préparer un coup. Donc les affiliés se partagent souvent une part assez conséquente du gâteau, la plupart du temps, la majorité, entre 60 et 80%. Donc, ils vont acheter un ransomware as a service, donc un RAAS, je rigole pas, hein, c'est vraiment ça. Ben, c'est exactement comme ça que ça marche. Et puis, ils recrutent des gars qui sont bien assis dans le milieu en général, avec de l'expérience, hein, pour avoir accès à une cible intéressante. Donc, par exemple, Rival, c'est un opérateur de RAAS, de ransomware as a service. Ils ont une préférence pour le Monero en termes de crypto-monnaie. Eux, ils captent 40% de la rançon et ils ont gagné 100 millions de dollars l'an dernier. Donc, c'est un écosystème qui est plutôt efficace, qui est assez robuste, hein, parce que dans le cas de Clop, c'est uniquement la tête qui est tombée, en fait. C'est-à-dire que les affiliés, ils risquent pas grand-chose parce que Clop, tout simplement, ne les connaît pas. C'est un maillon de la chaîne, tu vois, il y a un maillon qui disparaît, et puis il est très vite remplacé par un autre, hein, et c'est la même chose, d'ailleurs, pour les logiciels. Les logiciels sont régulièrement publiés en open source, ce qui fait qu'ils sont encore beaucoup plus utilisés, et puis après, ils sont modifiés, et puis voilà, il y en a d'autres qui sortent aussi souvent. Bon. Clop, c'est un groupe de ransomware qui utilisait une vulnérabilité dans une solution de transfert de fichiers, en particulier, hein, c'est celle d'Axelion. Donc c'est une bonne nouvelle qui soit prise, évidemment, mais ça change pas grand-chose au tableau global, en fait. Hein. Le ransomware, c'est une industrie, en fait, c'est maintenant, et c'est devenu très lucratif. Donc en gros, contre elle, la meilleure défense, c'est la défense. C'est-à-dire qu'en gros, il faut sécuriser son réseau, il faut sensibiliser les gens, et surtout, il faut jamais payer. Parce que voilà, toute extorsion réussie, c'est un encouragement à recommencer pour les autres. Et de toute façon, rien ne prouve que les mecs qui vous ont attaqué, ils vont tenir parole et ne pas publier les données ou vous les rendre, c'est sûr. Bon, ça peut être un arbitrage. C'est vrai que c'est toujours compliqué en plus, parce que j'imagine l'entreprise qui se retrouve victime de ça, elle se dit, il faut quand même que je pèse le pour et le contre. Admettons que je sois en capacité de retrouver toutes mes données si je paye. Est-ce que finalement, ça va pas me coûter moins cher de récupérer mes données et de sécuriser plutôt que de repartir à zéro, de retravailler sur les sauvegardes, etc. C'est compliqué, hein. Mais tu alimentes la machine. Mais tu alimentes du coup effectivement la machine avec toujours le contre-argument qui est de dire, ouais, mais enfin bon, c'est pas parce que tu payes pas que vont pas continuer à le faire. Bon, c'est un sujet complexe, hein, mais je pense qu'effectivement, les bonnes préconisations sont celles de ne pas céder. Bon, de toute façon, il y a probablement des c'est spécialistes. C'est celle du FBI. Hein. Comme... Oui, c'est celle du FBI, donc on va pas se prétendre plus sachant que le FBI a ce Moi, sujet. Je dis ça, bon. Mais cela dit, c'est très intéressant, je trouve, cette analyse, parce que on sort, une fois de plus, comme à chaque fois qu'on creuse un petit peu ce qui se passe derrière les mots-clés autour de la tech, on creuse et on se rend compte que ce qu'on voit parfois de manière très manichéenne, on s'imagine un groupe de potes avec un sweat à capuche qui organise toute une activité malfaisante. Bon, oui, il y a probablement des gens qui portent des capuches quand ils font des actes de ce type-là, peut-être qu'ils sont potes, mais ils font partie d'un écosystème et on a souvent tendance à associer une attaque à un groupe assez restreint de personnes. Et ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est le fait qu'il y a vraiment un écosystème et tout un réseau qui se met en œuvre pour ces activités-là. Il faut bien voir aussi que les gens qui participent à ce truc-là sont pas des criminels, souvent sont pas des criminels au sens classique, quoi. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui tuent d'autres gens ou qui passent à tabac d'autres gens ou qui volent des trucs matériels, hein. En général, c'est pas ce genre-là. Et il y a même, je pense qu'il y a pas mal de maillons de cette chaîne qui font ça comme des à côté, en fait. Il y en a qui font du podcast, d'autres font des ransomware, c'est ça que tu veux dire? Moi, je suis persuadé qu'il y a peut-être des étudiants qui font ça pour gagner un peu de pognon, il y a peut-être des gens qui font ça pour arrondir leur fin de mois, tu vois, faire documentaliste ou proposer un service. Et voilà, enfin, tu vois, c'est milieu de la crise de criminalité. Enfin, c'est de la criminalité, hein, je dis pas ils sont gentils, c'est des bisounours, mais c'est pas vraiment des gros gangsters, voilà, c'est pas la mafia à papa, quoi, on va dire. Ouais, c'est en tout cas très intéressant de voir ce qui se cache derrière. C'est pas facile à dire comme ça. Ok, on continue un petit peu avec des éléments d'actualité politique américaine, Guillaume. Oui, c'est vrai que chasser les cybercriminels, donc c'est un petit peu comme jouer à Tap Top, hein, sauf que les tops se reproduisent super vite, hein, comme des lapins. Et puis qu'elles portent des casques de chantier en plus, les tops. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas taper dessus, hein, et donc il faut s'organiser et préférentiellement se mettre à plusieurs. Et donc Biden voulait muscler la cybersécurité des US et nommer un National Cyber Director. Et c'est fait, c'est Chris Inglis, il était ancien directeur adjoint de la NSA. Donc il aura bientôt un office, un bureau de 75 personnes. Alors, son poste reste en grande partie à définir, puisque Inglis faisait partie de la commission Solarium. Oui, je sais, comme ça, la commission Solarium, ça fait pas très sérieux, hein, ça fait vacances, ça fait envie, mais ça fait pas très sérieux. Pourtant, c'était déjà une commission sous McCain pour la cyberdéfense, et il a participé à la mise en place du Cyber Command, qui, malgré son nom de comics, hein, là aussi, c'est une instance de commandement militaire, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et donc Inglis, c'est un vétéran de l'Air Force, hein, donc en gros, il a un pied chez les militaires. il a un pied chez les politiques et il a un troisième pied dans le renseignement. Donc il a trois pieds hein, qui pourront lui donner une bonne stabilité voilà, pour s'atteler à une tâche qui est quand même pas facile, d'autant que le Congrès ne lui a pas encore voté de fond. Bon, voilà, c'est une grosse nomination quand même, et dans la CDR, si on peut continuer dans la série des nominations choc, même si ça n'a pas vraiment un rapport avec le sujet de la cybercriminalité, c'est Joe Biden qui a aussi nommé Lina Khan à la tête de la FTC. Alors, ça peut être rien pour vous, mais pour les GAFAM, ça veut dire qu'ils étaient libres, mais peut-être qu'ils ne le resteront pas toujours. Ça signale ça. Lina Khan, on l'a sans doute déjà mentionné ici, c'est un peu une célébrité chez les juristes, hein, et elle est très critique du pouvoir acquis par Amazon et consorts. Donc voilà, elle a 32 ans, hein, elle est d'origine anglaise. Elle est diplômée de Yale et elle est spécialisée dans le droit à la concurrence. Donc Lina Khan, elle a écrit dans le New York Times et elle est connue pour un article qui est d'abord paru dans le journal de Yale, qui a été relayé un petit peu partout, et c'est The Amazon Antitrust Paradox. Et donc sa thèse, en fait, c'est que l'angle du prix pour l'analyse des cas de monopole, c'est inefficace, voire dangereux. Alors, c'est vrai que cette histoire, c'est que traditionnellement, on juge qu'il y a un monopole à détruire si les prix sont artificiellement hauts pour le consommateur. Or, c'est pas parce que les prix restent bas pour les consommateurs qu'il n'y a pas de problème, en fait. Mmh. Puisqu'Amazon, entre autres, démontre le contraire. Cette vision, en fait, elle encourage l'entreprise à croître démesurément, au mépris même de sa propre rentabilité. Et ça favorise des comportements prédateurs. Et en plus, Amazon grossit tellement qu'il devient un intermédiaire incontournable. Donc, il devient même une infrastructure, en fait. Et cette infrastructure, elle sait tout sur ceux qui l'utilisent. Et ceux qui l'utilisent, ce sont des concurrents. Et donc, c'est très facile d'étouffer des concurrents sur lesquels tu sais tout. Donc, elle explique comment les politiques publiques aussi favorisent Amazon, comment voilà, ils utilisent l'emploi précaire. Disons que je suis pas sûr que Lina a souscrit à Amazon Prime, hein, je ne pense pas. C'est possible. Mais bon, voilà. On va reparler Amazon, de toute façon d'Amazon tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Bon, Amazon n'est pas la seule boîte critiquée par Lina à Google, là aussi dans le nez. Il se murmure qu'il a fait pression à Google hein, sur le think tank dans lequel elle était, à l'époque où elle avait critiqué. Bon, voilà. C'est dit, Lina Khan, c'est la bête noire des GAFAM. Donc c'est quand même un signal fort et non ambigu hein, voilà, de la foutre à la tête de la FTC. Cela dit, la FTC ne change pas les lois, elle les applique. Donc le truc, c'est qu'il faut changer les lois, et elle n'aura pas besoin de le faire, parce que la Chambre des représentants manque pas d'idées apparemment, puisqu'il y a pas moins de 5 projets de loi qui ont été déposés la semaine dernière pour réformer la législation antitrust. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, donc il y a interopérabilité forcée, interdiction de favoriser ses propres produits, interdiction de posséder des business qui t'avantagent toi par rapport à la compétition quand t'es déjà très gros, donc voilà, genre 50 millions d'utilisateurs mensuels minimum. Donc en gros, tout le monde s'en prend plein la gueule parmi les big tech, forcément, et bon, enfin, s'en prendrait plein la gueule si les projets se concrétisent, parce que c'est quand même que des projets, hein. Donc même avec plein de dissensions, quand même, c'est quand même bipartisan, quoi. À droite comme à gauche, on est plutôt favorable au changement. Donc voilà, l'hiver vient, et d'ailleurs les big tech affûtent déjà leur gros lobby. C'est pas une surprise, hein, tout ça, c'est l'illustration de l'élection de Joe Biden. Ce qui est assez d'ailleurs remarquable en termes de mouvement, c'est que Lina Khan a été nommée commissaire et très rapidement après présidente. C'est assez inédit, hein, habituellement c'est plutôt les vétérans qui sont nommés présidents, et là a priori elle est propulsée, elle saute deux niveaux d'un coup, tu sais, elle a eu un boost de points d'expérience et elle a passé deux niveaux d'un coup, et on imagine effectivement que c'est le reflet de la politique qui avait été annoncée effectivement. On va parler alors de chiffrement homomorphe tel qu'il est mis à disposition par Google en version open source, Guillaume. Oui, bah le chiffrement, c'est vrai que c'est un truc. On vient de parler de ransomware, donc le chiffrement, c'est plutôt un truc qui fait peur et qui est un peu voilà, qui peut être utilisé pour le mal. Mais bon, quand même, le chiffrement, base, c'est d'abord quelque chose qui. Oui, c'est d'abord quelque chose qui est utilisé pour votre sécurité, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça a beaucoup évolué. La vision du chiffrement a énormément évolué autant chez les particuliers que chez les puissances publiques, hein, puisque je ne sais pas si tu te souviens dans les années 2000. Tiens, souviens-toi l'an 2000. Oula, je ferme les yeux, je me rappelle. Oui. Voilà. Son bug, hein, sa coupe d'Europe, sa Dreamcast, oui. Ses téléphones 2G, son Snake. Hein, voilà, téléphone 2G qui avait des chiffrements en caoutchouc mousse en fait. Parce que c'est vrai que ça fait le buzz ce sujet hein, cette semaine. Un petit peu, bon, peut-être pas. J'ai vu relayer à plein d'endroits ce sujet, mais effectivement, il semblerait que les réseaux de l'époque, c'était pas la panacée en termes de chiffrement, non pas par manque de maturité sur le sujet, mais presque par volonté. Hein. Oui, mais en fait, c'était même obligé, parce qu'il faut se souvenir d'un truc, c'est que donc, alors, les chiffrements c'est, dont on parle, c'est GEA 1 et 2, donc c'est, ça date de l'époque du GPRS, rien que de souvenir, le GPRS, donc c'était les réseaux 2G, voilà, du début des années 2000, et il y a des chercheurs qui se sont penchés dessus, se sont rendus compte qu'ils étaient là surtout pour faire joli, en vrai, parce que le premier est tellement faible... Ouais, ben, le premier il est tellement faible que c'est forcément fait exprès. Et en fait, ça a plus tard été confirmé par l'organisation qui l'a conçu. Et en fait, et tout simplement, c'est qu'à l'époque, les chiffrements plus costauds étaient tout simplement interdits dans certains pays. Je sais pas si tu te souviens de ça. GEA1 utilisait des clés de 40 bits. Et il faut se souvenir que, par exemple, début 90, les États-Unis considéraient les clés d'une taille supérieure à 40 bits comme des armes. Ouais. Donc il était interdit d'exporter à l'étranger des logiciels qui, comme à l'époque PGP, le fameux PGP, utilisaient des clés à 128 bits. Donc Zimmerman, l'auteur de PGP, a même publié le code source de son outil sous forme d'un livre pour contourner la loi. Parce que les livres, eux, étaient exportables sans restriction par le premier amendement, puisque tu pouvais t'exprimer par le livre, et donc tu n'avais pas le droit de t'interdire d'exporter le livre. Donc, la loi a changé depuis, hein, mais il ne faut pas oublier que même en France, hein, le chiffrement est soumis à une régulation de l'ANSSI. En tant que personne, tu as le droit de faire ce que tu veux, de chiffrer un peu comme tu veux. Par contre, si tu es une entreprise, tu dois déclarer la fourniture, l'importation, le transfert intracommunautaire et l'exportation d'un moyen de cryptologie, sauf exception. Je cite. Donc, c'est toujours régulé, quoi. Bon, évidemment, GEA 2, qui fait suite à GEA 1, hein, il est plus costaud. Et en fait, c'est pour cette raison qu'il est plus costaud. C'est-à-dire que la limite du chiffrement à 40 bits a été levée. Bon, cela dit, il n'est pas bien résistant non plus, mais ça fait un moment que ces trucs sont plus utilisés. Donc voilà, on revient de loin quand même. Hein. Il y a eu du progrès. Et bon, la dernière mode, par contre, en matière de chiffrement, effectivement, je pense que c'est un truc qui va se généraliser dans quelques années, c'est le chiffrement homomorphe. Bon, ça veut dire quoi, homomorphe? Alors, ça veut dire même forme, homomorphe, littéralement, mais ça dit pas très clairement de quoi il retourne, hein, mais finalement, c'est juste une méthode qui permet de manipuler des données sans les déchiffrer. Donc voilà, par exemple, t'as A et B, deux nombres chiffrés que tu connais pas, donc tu les connais pas, mais tu peux quand même calculer la somme A plus B chiffrée. Donc tu connais pas la vraie somme, tu connais juste la somme chiffrée. Mais tu sais que la version chiffrée de A plus B, c'est bien, si tu la déchiffres, ça donnera bien A plus B, tu vois. Donc en fait, tu peux trouver la somme A plus B sans décoder ni A ni B. Et le but, c'est en fait, c'est de conserver au maximum les données chiffrées en mémoire en ne les déchiffrant que quand c'est strictement nécessaire. Du coup, ça limite au maximum la surface d'attaque. C'est pas une idée qui est super nouvelle, mais il y a des implémentations qui se multiplient. Donc il y avait IBM qui avait publié une boîte à outils open source pour faire ça sur iOS et macOS, puis sur Android et Linux. Il y a Intel qui fait des recherches dessus, qui pourrait l'intégrer à terme sur ses puces, et d'ailleurs la DARPA est intéressée. Puis il y a Microsoft qui l'utilise déjà, d'ailleurs, pour les mots de passe sur Edge. Bon, là c'est Google, donc effectivement, le tout dernier, qui publie sa bibliothèque source open source en C++, donc qui est largement portable, et c'est vrai que c'est probable qu'on va avoir ce genre de truc se généraliser à l'avenir, quoi. Et quand on regardera avec quelques années de recul la situation d'aujourd'hui, on se dira, mais c'était complètement dingue que le chiffrement homomorphe soit pas en place partout, sur toutes nos données, ce serait pas étonnant d'ailleurs. On va passer à la rubrique, alors que je redoutais un petit peu dans cet épisode, parce que ça va m'amener à prononcer peut-être très mal un terme, mais dont on doit parler, Guillaume, c'est la mise à jour Bitcoin. Taproot ? Taproot, eh ben oui, je suis désolé, on devait y arriver, hein, Taproot. Mais oui, ben oui, c'est qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a beaucoup de Bitcoin, encore des news Bitcoin cette semaine, hein, je suis un peu désolé, mais il faut dire qu'il y a des mises à jour, on va dire, de tous les côtés. Donc il y a une petite mise à jour qui s'appelle Taproot, effectivement, et une très grosse. Ça va être dur pour moi de pas rire pendant cette rubrique, je t'écoute, Guillaume. Ah, je sais, mais bon, donc Taproot, alors évidemment... Excuse-moi, je te recoupe, c'est dommage, parce qu'on avait prévu l'épisode avec Pierre-Olivier Dimman, qui a pas pu se joindre à nous, et je pense qu'il aurait savouré cette rubrique. Excuse-moi, j'arrête de te couper. On le regrette déjà, C'est vrai. Donc Taproot, ça s'écrit T-A-P-R-O-O-T, ça s'écrit pas Prout, évidemment. Mais bon, bref, donc oui, donc il y a Taproot, ah oui, désolé, et il y a une autre quand même grosse mise à jour aussi qu'il va falloir faire, c'est que la Chine s'est mise à tirer dans le tas, je sais pas si t'as vu ça. Absolument, je pense qu'elle éradique toute possibilité de faire fonctionner des minages de Bitcoin. Ouais. Ah, c'est ça. Bon, je vais commencer par la petite mise à jour de Taproot quand même, parce qu'il faut que, bon, voilà, on va quand même dire ce que ça... Bah, c'est pas complètement inintéressant quand même, hein, puisque bon, au niveau software, le Bitcoin se met à jour régulièrement. C'est lent, mais ça arrive régulièrement. Donc la dernière fois, c'était SegWit, il y a 4 ans. Ça a permis l'établissement de par-dessus du réseau Lightning. Et là, donc, c'est Taproot. Ça permet quoi ? Bah, ça permet d'améliorer l'efficacité de Bitcoin sur les smart contracts. Parce qu'en fait, Bitcoin, c'est vrai qu'on le dit moins, parce qu'il a des smart contracts qui sont un peu moins puissants, qui sont moins puissants qu'Ethereum. Ils sont moins puissants parce que tu peux pas faire de bulk ou programmer n'importe quoi avec, mais il y a quand même des smart contracts possibles dans Bitcoin. Et tu peux quand même spécifier des conditions de transaction, une ou plusieurs signatures, des conditions de date, voilà un peu ce que tu veux. Et donc en gros, Taproot. C'est bien quand tu prononces en anglais quand même, hein, il n'y a pas à dire. Oui, bah j'essaie de faire ça pour pas que tu rigoles à chaque fois. Donc voilà, ça permet de digérer le smart contract en amont, et donc avant le traitement par les nœuds qui ont moins de boulot, et donc ça booste l'efficacité de l'ensemble. Donc les transactions multi-signatures, c'est très courant en fait, hein, et tu peux penser à un compte joint tout simplement. Donc t'as nos deux signatures, hein, à moi et ma femme, hein, voilà, sont acceptables pour faire une transaction quand t'as un code joint par exemple. Donc moi, il y a soit moi, soit elle, soit nous deux, hein, qui peuvent signer pour acheter un truc. Donc ça, c'est une condition. Donc voilà un exemple de condition multisignature à deux signatures. On peut imaginer des comptes à quatre signatures où il faudrait un quorum de trois, etc. Donc tout ce genre de truc là, c'est accéléré par exemple par Taproot. Et en plus, c'est bien parce que tous ces trucs sont quand même aussi à la base de Lightning, qui est un système de transactions rapide et qui est par-dessus, en quelque sorte, la blockchain. Donc le principe de Lightning, c'est que deux personnes qui veulent s'échanger plusieurs fois des fonds ne sont pas obligées de le dire à chaque fois à la blockchain. Donc elles vont créer une sorte de coffre-fort privé, et elles seules peuvent l'ouvrir, et donc elles mettent un peu de sous dedans, quoi. Donc dans la limite de cette somme, elles peuvent faire autant d'échanges qu'elles veulent. Et il n'y a pas besoin de le dire au réseau Bitcoin. Seule l'ouverture du coffre et la fermeture du coffre seront publiées. Donc ce coffre en fait sert de canal d'échange entre deux personnes, les deux personnes qui l'ont créé, et rempli évidemment. Et le canal est créé avec un contrat multisignature. Hein, voilà, donc là, du coup, donc Lightning, c'est ça, hein, c'est un réseau de canaux de paiement entre des nœuds qui s'échangent les fonds sans avoir besoin de le dire à la blockchain. Donc Lightning, c'est assez rapide et que c'est d'ailleurs plus confidentiel, hein, puisque la blockchain ne voit rien, elle voit juste la création et la destruction du canal. Donc voilà, bon, évidemment, les frais sont minuscules puisqu'ils sont énormément divisés. C'est un truc qui est rentré en fonction de 2018, donc ça augmente doucement mais sûrement. Sa capacité totale, là, c'est-à-dire la somme de tous les coffres-forts, c'est aujourd'hui de 1500 bitcoins à peu près. C'est, je dirais pas combien c'est parce que le cours fluctue trop pour que je puisse savoir. Mais bon, voilà, ça fait quelques dizaines de millions d'euros, je suppose. Ce qui n'est pas si énorme, en fait, parce que ça reste relativement complexe, mine de rien, Lightning, parce qu'il faut... Pareil, il faut faire des routages entre les gens, enfin c'est assez compliqué, je pense. Ça serait compliqué d'utiliser ça quotidiennement à l'échelle d'un pays. Et bon, évidemment, quand je dis ça, on repense inévitablement au Salvador, hein, du coup. Là, oui, parce que, dont on a parlé dans le dernier épisode. Oui, et d'ailleurs, figure-toi que son président a sollicité la Banque mondiale pour financer son projet de Bitcoin volcanique. Oui, c'est mieux d'avoir un peu d'aide, effectivement, mais ils ont dû accueillir cette demande avec beaucoup d'enthousiasme, Guillaume. Bon oui, la Banque mondiale lui a poliment répondu d'aller se brosser chez les papous, hein, globalement. Bon, ça veut dire que Bukele, c'est un jeune convaincu des cryptos depuis un moment. En fait, quelle surprise, il en possède lui-même, hein, ainsi que certains des membres de son parti depuis longtemps. Et surtout, est-ce qu'il aurait pris cette décision à ce moment-là, si jamais... Enfin, il a peut-être pris cette décision au pire moment, quoi, tu vois, parce qu'on l'évoque depuis quelques semaines. Hein. Apparemment, c'est en train d'arriver, la Chine coupe le jus aux mineurs. D'après The Global Times, le gouvernement du Sichuan interdit aux compagnies d'électricité d'alimenter les mines de la région, donc c'est quand même un gros coup, hein, parce que le Sichuan, il y a énormément de mines, et en fait, il y a même pas mal d'hydroélectricité là-bas. Et certains pensaient que comme c'était de l'énergie verte, entre guillemets, ça allait rendre les autorités plus indulgentes. Et en fait, non, la Chine fait pas dans le détail, puisqu'apparemment c'est pareil en Mongolie intérieure ou dans le Yunnan, donc les mineurs sont en train de chercher à revendre leur matos. Donc tu vois des photos de jeux, enfin tu vois des vidéos sur Twitter de gens qui éteignent leur mine ou qui font des gros cartons pour les envoyer vers où, je sais pas, hein, y a plein de possibilités. Ça rebat complètement les cartes du minage évidemment, et pour le Bitcoin, qui voit quand même son plus gros pôle de minage passer offline petit à petit, c'est un gros coup, et le cours plonge. Donc là, j'ai regardé cet après-midi, c'était 27 000 euros. Donc aujourd'hui, il faut voir que c'était 33 000 euros la semaine dernière. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis c'était 50 000 euros en avril, ou dollars, je sais plus. Enfin bon. Donc voilà, les fluctuations, ça sont quand même assez importantes. Hein. Ça questionne plus que jamais la pertinence de Bitcoin comme monnaie pour un pays. On verra quel effet ça aura à Elzonte. Oui, j'ai quand même l'impression que l'ensemble du public qui est exposé au Bitcoin a pris conscience, probablement en lien avec les prises de parole d'Elon Musk, mais peut-être aussi avec les prises de parole de la Chine et les décisions qui ont été mises en œuvre, comme tu viens de le relayer, que je ne sais pas s'il y allait y avoir un avenir sur le Bitcoin. J'ai le sentiment qu'il y a un avenir sur la crypto, la blockchain. Bah, clairement, pourquoi pas, ça pose des questions qui sont très pertinentes. Mais le Bitcoin en tant que tel, j'ai l'impression que lui, pour le coup, risque de beaucoup souffrir. Et après tout, tant mieux, parce que si ça fait avancer le monde des cryptos dans le bon sens, pourquoi pas finalement. Ben, c'est ça, mais le truc c'est que tu vois, le recours des cryptos aux cryptos au Salvador, il est beaucoup moins étonnant si on prend en compte la situation économique du Salvador, de ce pays-là, puisque c'est un pays qui a une inflation importante et qui a les deux tiers de sa population sans compte bancaire. Donc les convaincus, ouais, ils citent l'exemple d'El Zonte, là, dont j'ai parlé juste là. Donc Bloomberg a publié un article qui est super intéressant sur cette petite ville balnéaire qui est devenue la Bitcoin Beach, vraiment. C'est un petit truc qui doit faire 3000 habitants. C'est pas énorme, mais quand même. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé à El Zonte, c'est qu'en 2019, il y a un donneur anonyme qui a lancé la plus grosse expérience Bitcoin à ciel ouvert. Donc il a donné un petit pactole de cette crypto, et c'est devenu un petit peu la crypto-banque de ce village de surfeurs. Donc petit à petit, les commerces ont accepté Bitcoin, et la population s'y est mise. Alors oui, bah oui, c'est pratique, évidemment, hein. Ça peut améliorer la vie des gens. Oui, bien, c'est sûr qu'avoir des moyens de paiement, avoir des moyens bancaires, c'est mieux que de ne pas en avoir. Ah oui. Et avoir une monnaie stable, c'est bien aussi. Et puis bon, c'était du Bitcoin, mais en vérité, le donateur, il aurait pu donner n'importe quelle crypto. Il aurait pu donner du Shiba, il aurait pu donner du Tezos, du Dash, du Radium, du Neo. Mmh. Ça aurait rien changé au bénéfice de la population. En fait, hein, il aurait utilisé ça de la même manière. C'est le principe de la crypto-monnaie qu'il faut illustrer là-dedans, pas le Bitcoin en tant que tel. Exactement. L'expérience d'El Zonte, elle montre qu'une crypto, dans une zone défavorisée, c'est mieux que rien du tout. Ben oui, c'est clair. Une crypto, c'est bien. Après, une crypto stable, c'est mieux. Une crypto rapide avec des frais qui ne s'envolent pas en cas d'embouteillage, c'est encore mieux. Si elle a minimum écolo, là, c'est carrément le pied. Donc voilà, El Zonte, ça prouve pas que le Bitcoin va pouvoir devenir une monnaie nationale facilement, hein, même pour le plus petit pays d'Amérique du Sud. Par contre, ça montre qu'une crypto, effectivement, ça peut être utile dans plein de parties du monde. Ça, certainement. Si c'est une crypto plus sobre, ce sera mieux. Ouais, ce sera mieux. Ouais, ce sera peut-être pas le Bitcoin, du coup. On va terminer cette rubrique autour du chiffrement pour quand même vous faire un petit point d'actualité sur les non-fungible tokens dont on a parlé là aussi dans les précédents épisodes, les NFT. Donc, réécoutez les précédents épisodes pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est des espèces de certificats de titularité qui sont inscrits dans la blockchain. Et évidemment, il y a beaucoup de réserves qu'on a pu émettre à ce sujet-là. Et en tout cas, les réserves sont aussi constatées sur le pic qui s'est un petit peu effondré d'activité autour de la vente de NFT. Il y a 102 millions de dollars de NFT qui ont été vendus en mai en un seul jour. Donc, c'était vraiment foisonnant. Et puis, début juin, il y a seulement 19,4 millions de dollars qui se sont vendus en une semaine en NFT. Et quand on regarde un petit peu les courbes, on voit que ça s'est clairement effondré. Alors, est-ce que la hype est passée? Bon, d'une part, probablement. Est-ce que l'activité est totalement disparue autour de la vente de NFT? Ben, pas forcément. Il semblerait que ce soit là désormais la phase où les NFT se vendent d'occasion. Alors, je sais pas, quand un marché est beaucoup porté par le marché de l'occasion, est-ce que c'est un marché en devenir, Guillaume? Ou est-ce que c'est un marché durable? Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Moi, j'ose espérer que les NFT vont rapidement devenir de l'histoire ancienne et que tout le monde se rendra compte que derrière, il y avait du vent, mais... Bah, le truc, si tu veux, c'est que, encore une fois, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein, c'est pas le principe et le concept du NFT qui est problématique. Parce qu'en fait, créer un NFT sur une blockchain comme certificat de propriété, d'authenticité, de ce que tu veux, c'est pas forcément une mauvaise idée en soi. Le problème, c'est la manière, enfin, l'ampleur que ça a pris, la manière dont c'est utilisé, dont ça a été utilisé le mois dernier, et le fait que ça utilise une blockchain qui soit vraiment quand même énergivore. Bon, mais si tu fais des NFT vraiment pour attester l'achat d'une œuvre d'art, que cet argent va au créateur, que le créateur peut avoir des royalties, enfin tu vois, ce qui était dans le cas de cas très très très très rare d'achat voilà, de NFT. Si tu utilises bien en fait le NFT, si le NFT était écologiquement pas problématique. Que ce soit vraiment utilisé pour donner aux artistes vraiment un meilleur contrôle sur leurs œuvres, ben c'est très bien, c'est pas un souci, tu vois. Mais le problème, c'est que c'était pas ça, quoi. C'est que c'était n'importe quoi, n'importe qui acheter n'importe quoi, des fortunes absurdes pour aucune raison et sans d'ailleurs que ça transmette quelconque notion de propriété la plupart du temps. Donc c'était plutôt l'utilisation comme ça, t'aurais à travers un NFT qui était problématique, c'était pas le NFT en soi. Donc ce que j'espère effectivement, c'est que la hype complètement débile qu'il y a eu sur le NFT en mai, elle soit effectivement passée, et que maintenant, bah écoute, on puisse voilà essayer de trouver des solutions pour faire des NFT de manière vraiment utile et vraiment responsable. Et là, ça poserait pas de problème. Encore faut-il que ça réponde à des besoins, et je suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait identifié des besoins sur lesquels les NFT pourraient formuler une réponse. Mais bon, on le constatera ensemble. Bon, on continuera à parler de NFT en voyant un petit peu comment ils évolueront. On fera un petit point d'actualité dans d'autres épisodes. On va changer un petit peu de rubrique et on va parler d'autres sujets. Maintenant, on va vous parler un petit peu d'espace. Vous savez qu'on aime bien distiller un peu les sujets autour de l'espace dans Tech Café. Et une fois de plus, on va se tourner vers la Chine qui, décidément, continue son programme de manière très ambitieuse autour de l'espace, Guillaume. Bah oui, vous vous souvenez sans doute du lancement du module principal de Tianhe, la station spatiale chinoise, hein, qu'on avait relié en avril dernier. C'était il n'y a pas longtemps, effectivement. Ouais. C'est ça, c'était vraiment, il n'y a pas très longtemps, il y a un ou deux mois. Donc voilà, des astronautes, enfin des taïkonautes, comme on dit parfois, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi en fait, hein, parce que ça me dit taïkonautes, parce que taïkong, ça veut dire espace en chinois. Ah. D'ailleurs, on dit cosmonaute pour les Russes, parce que c'est pour cosmos en russe. Et on dit astronaute pour les Américains. Et puis paradoxalement, on dit spationaute pour les Français, alors que franchement, space, ça évoque plus l'anglais, et astro, ça évoque plus le français. Bon, c'est bon, évidemment, hein, si tu veux, space et espace, ça vient du latin spatium, de toute façon. Donc ça revient même, mais bon. Donc c'est ça, c'est pour des raisons historiques qu'on a cette espèce de bordel langagier pour désigner toujours exactement la même chose, hein, c'est-à-dire des manos qui vont dans l'espace. Et c'est pas fini, parce que les Indiens ils sont pas encore allés, mais il y a déjà un terme prévu qui s'appelle Vyomanote. Oh parce que Vyoman, en sanskrit, ça veut dire ciel. Donc c'est débile. C'est Vyoman. Mais c'est fabuleux. Donc c'est débile. Et voilà, bon, les Chinois ils appellent leurs astronautes Taikongren. Bah, Taikongren, bah, c'est normal, hein, mais que nous on dise Taikonote, c'est complètement débile. Je sais pas, on va dire Uchunote pour les Japonais ou Himmelnote pour les Allemands et les Suédois, je sais pas. Et est-ce qu'on n'a pas quand même un terme qui représente le fait qu'un Homo sapiens aille dans l'espace? Est-ce qu'on est toujours obligé de le rattacher à des États? Il faudrait l'inventer. Mais je ne comprends pas. En fait, on dit beaucoup astronaute, hein, tout simplement. Mm-hmm. On dit astronaute, je pense que c'est le terme le plus utilisé pour faire parapluie pour tout, quoi. Mais je comprends pas pourquoi il y a cette coquetterie de dire un truc différent pour chaque pays, alors que l'espace, justement, c'est là où il n'y a pas de pays. Enfin, tu vois, c'est le truc universel par excellence. Mais là, on dit machin note, truc note, c'est pas... Mais on fait... Alors, petite parenthèse sur le sujet, mais je suis marqué de voir à quel point la conquête spatiale et tout ce qui se passe autour de l'innovation spatiale, oui, de la conquête, de l'exploration, a évidemment des vertus et des racines dans la recherche scientifique, bien évidemment, vers le côté découverte et aller découvrir l'inconnu. Mais il y a aussi quelque chose de très politique. Il y a aussi quelque chose de très représentatif d'une puissance étatique. Et je pense que c'est une des manifestations, évidemment, de cette portée politique. Oui, derrière, tu vas faire une exploration spatiale. Oui, derrière, tu vas mener des expériences en impesanteur. Mais tu vas aussi montrer à l'international que tu es très bon là-dedans avec ton pays. Et donc, je pense que ça participe culturellement à ça. Ce serait bien qu'on passe à autre chose, je trouve. Mais bon. Oui, oui, sans doute, sans doute. Ouais. D'ailleurs, peut-être même pour le sujet aussi, puisque c'était quand même le gros coup de gueule hors sujet de cet épisode. Donc je reformule ma news. Allons-y. Les Chinois ont balancé leurs astronautes sur leur station. Voilà, c'est leur premier vol habité depuis 5 ans. Et c'est la première d'une suite de 11 missions qui vise à compléter la station chinoise pour 2022. Et puisqu'on vit dans une préquelle de Command & Conquer alerte rouge, les Chinois et les Russes forment une alliance spatiale pour amener des astronautes sur la Lune. Alors d'ailleurs, je sais pas comment tu vas les appeler, hein, les Taikokos monotes, les Koitaskonotes, bon ben on s'en fout. Donc voilà, grosso modo, le CNSA et Eurocosmos, ils ont fait une présentation conjointe en Russie sur un plan en trois phases pour rejoindre la Lune avec des satellites en orbite lunaire. Une petite base aussi, alors c'est encore embryonnaire quand même, parce que bon, amener des gens sur la Lune, c'est un horizon à 10 ans. Mais il y a quand même trois phases. Alors la première phase, c'est une phase robotique qui est globalement exploratoire entre 2021 et 2025. Puis jusqu'en 2030, entre 2021 et 2025, après, jusqu'en 2035, on commence à amener du lourd, par contre, donc parce qu'on veut construire carrément une base lunaire. Puis à partir de 2036, aller sur la Lune, voilà, c'est la routine, hein, c'est un peu comme aller faire de la recherche au pôle Sud. C'est loin, c'est très froid, c'est un peu mort le soir pour faire la teuf, mais bon, voilà, on en aura que ça passe. Bon, c'est quand même à long terme, hein, les US veulent ramener des gens sur la Lune dès 2024, si tout va bien, donc là, c'est un peu différent, quoi. Bon. Tout va pas toujours bien, hein, puisque regarde Ariane Espace, hein, puisque Ariane 6 a été prévu pour 2020. On comprend que ça a été retardé. Mais là, le CNES, quand même, devait attendre jusqu'en 2022 au mieux puisque le calendrier apparemment a dérapé sur juin 2022. Et bon, on sent que si c'est avant fin 2022, ça sera super. Et pourtant, avec la concurrence de SpaceX et bientôt de plein d'autres, bah, Ariane Espace va avoir besoin d'être beaucoup plus concurrentiel. C'est vrai qu'Ariane 6, c'est un petit peu, voilà, elle est un petit peu moins chère quand même au lancement, et donc c'est probablement un progrès indispensable pour ça. Espérons, on verra bien. On verra comment ça évolue, mais ça évolue moins vite qu'ailleurs, effectivement. Bon, écoute, on suivra ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse, puisqu'on se tourne vers l'espace, Guillaume, parce que tout ce qui monte redescend inexorablement, enfin, ou presque, hein, par les sondes que tu envoies très très loin dans le système solaire et au-delà. Mais je parle notamment de ces constellations de satellites dont on a déjà parlé, style Starlink, mais ce ne sont pas les seuls, qui nous promettent notamment de pouvoir nous connecter à Internet de partout parce qu'ils couvriraient la planète Terre, on en a déjà parlé. Et il y a des analystes qui ont commencé à identifier le fait qu'on courait peut-être à moyen et long terme un grave danger par rapport à la couche d'ozone. Et oui, cette couche d'ozone qui avait vécu des mauvais quarts d'heure par le passé, qui maintenant est revenue à un état un peu plus satisfaisant par les actions qui ont été mises en œuvre à l'échelle internationale. Et ce qui se passe, c'est juste qu'on anticipe le fait que bah, les Starlink, donc, ils vont rentrer dans l'atmosphère, se désintégrer. Et là, tu vas me dire, Guillaume, mais c'est pas grave. En fait, il y en a plein aujourd'hui des trucs qui tombent sur la Terre. Il y a, a priori, près de 60 tonnes de météorites qui tombent chaque jour sur la Terre et qui se désintègrent. Donc, qu'il y ait un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pas très grave. Effectivement, ouais, je suis... Sauf que ce n'est pas la même matière. Les météorites contiennent très rarement la même quantité d'aluminium qui est contenue dans les satellites. Et c'est cette composition forte en aluminium qui pose problème et qui pourrait influer assez fortement la composition de la couche d'ozone et avoir des conséquences assez négatives. Alors, c'est des voix qui ont commencé à s'élever. Il faudra vraisemblablement mener des études et mesurer ça, mais... simplement, la première fournée de Starlink amènerait 2 tonnes de déchets quotidiens à partir du moment où ils redescendraient avec de l'aluminium. J'attends d'en savoir plus, mais je m'étais dit qu'on n'avait pas anticipé le fait que oui, quand ça se désintègre, ça dépend de ce qui se désintègre finalement. Est-ce que tu penses qu'on risque quelque chose à ce niveau-là, Guillaume ? Je n'ai absolument aucune idée. Moi, je pensais qu'effectivement, des débris qui retombent sur Terre, c'est quotidien, effectivement, que ce soit d'ailleurs des débris à nous, des débris spatiaux, enfin, je veux dire, des cailloux, des trucs. Donc, moi, j'avais pas pensé que ça pouvait poser problème. Maintenant, si on me dit que ça peut poser, enfin, si les scientifiques me disent que ça peut poser problème, je suis prêt à le croire, mais c'est vrai que, franchement, j'y avais pas pensé. La plupart des météorites contiennent évidemment de la roche qui est faite d'oxygène, de magnésium, de silicium, mais les satellites sont largement faits d'aluminium, ce qui, évidemment, les météorites dites, bon, qu'on peut qualifier de naturelles, n'en contiennent que 15%. Donc, bon, à voir. On mesurera ça dans le temps. Peut-être qu'on va découvrir des sales choses à l'avenir en matière de climat qu'on n'avait pas encore anticipé. Va savoir. On continue avec des crises, avec IBM qui attaque Global Foundries, Guillaume. La pénurie de composants continue. Hein, donc, d'ailleurs, les vendeurs de portables, d'ordinateurs portables, voient leurs ventes baisser de 7% malgré la demande qui est très forte. Donc, voilà, c'est à tel point d'ailleurs que cette crise a des effets inattendus. Par exemple, un truc marrant, c'est vrai, tu t'en parlais au début. Par exemple, FTDI devient le nouveau 8. Alors, vous connaissez pas FTDI, c'est parfaitement normal. C'est une boîte anglaise qui fait des puces d'interface USB. Voilà, c'est pas sexy, hein. Mais c'est essentiel. Et elle fait partie des myriades de boîtes qui fabriquent des circuits intégrés. Voilà, tous les petits circuits intégrés qui peuplent les cartes mères de tous vos appareils et auxquels tu fais jamais attention. Sauf que, c'est bien connu, hein. Quand ils sont là, quand ils sont pas là, c'est là qu'il manque, hein. Une puce vous manque et tout est débranché. Et la demande pour ces puces de support, elle est très grande en fait, et leur production plus difficile, à tel point qu'on assiste à la flambée d'un phénomène de contrefaçon, comme pour les montres Rolex ou les sacs en cuir. Donc qu'ils soient fabriqués à l'arrache hein, pour un prix au ras des pâquerettes, ou qu'ils soient carrément récupérés sur des appareils morts et reconditionnés, ces puces trouvent leur chemin chez les grossistes, hein, ils puissent être achetés par des constructeurs morts de faim, et qui finissent dans des machines qui marcheront bien pendant environ une semaine. Et c'est pas une totale nouveauté, mais la période fait que tout le monde est fébrile, et que donc, là, c'est un besoin pressant, tu baisses tes standards, quoi. Du coup, les contrefaçons comme ça, ça passe plus facilement. Et il y a encore d'autres répercussions à la crise, hein, et les boîtes qui ont des usines de fabrication de puces, elles valent plus cher que jamais. Et donc, parmi elles, il y a Global Foundries, effectivement. Alors, Global Foundries a une histoire compliquée, donc au début, c'était la filiale industrielle d'AMD. Donc, au temps où AMD avait encore des usines, ils pouvaient tenir la dragée haute à Intel de ce côté-là. Donc, AMD est passé faiblesse, comme à peu près tout le monde aujourd'hui, d'ailleurs, hein, sauf Intel. Donc, Global Foundries a pris son indépendance. Et AMD continuait de rester un client privilégié. Hein. Donc, c'est Global Foundries qui faisait les puces AMD, les cartes Radeon aussi, en qu'un temps. Et puis bon, IBM avait aussi des usines dans le temps. Dans le temps, je parle de ça, c'était avant 2015, donc c'était une autre époque. Hein. Sa division, c'était Microelectronics, et elle fabriquait ses propres puces, hein, les puces IBM, donc, parce qu'IBM fait des puces à lui, hein, c'est les Power. Et donc il fait des puces pour des stations de travail, des serveurs, hein, des trucs très très pro. Mais bon, c'est très cher de fabriquer des puces, hein, et même à l'époque, la division microélectronique, elle était tellement déficitaire qu'en 2015, IBM l'a donné, voilà, carrément, à GlobalFoundries. Et lui devait l'intégrer, il devait procurer des puces en 14 et 10 nanomètres sur 10 ans à IBM. Et pendant un temps, ça roulait, le 14 nanomètres marchait bien, par contre, pour le 10 nanomètres, c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Donc GlobalFoundries s'est pris mur sur mur, et ils ont voulu zapper le 10 nanomètres. Donc ils se sont essayés au 7 nanomètres, et finalement c'était trop cher, c'était trop lourd, ils ont jeté l'éponge, complètement, en 2018. Donc ils ont abandonné tous les nodes les plus sophistiqués, donc le 7 nanomètres et au-delà, hein. Donc voilà. Alors, IBM, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est retrouvé avec des puces Power 10 qu'il ne pouvait pas fabriquer, il pouvait se les mettre où je pense, et donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez Samsung. Et là, finalement, bah, c'est pas plus mal, parce que les Power 10 sont gravés en 7 nanomètres chez Samsung, et pour le, ils sont sans doute faits moins cher que chez GlobalFoundries, surtout parce que, quand même, pour que GlobalFoundries réussisse à mettre en place les chaînes, bah, il fallait qu'IBM continue à allonger du pognon, et ça a commencé à compter. Bon, tout ça, c'est une relativement vieille histoire, hein, sauf que ce mois-ci, on a appris qu'IBM allait attaquer GlobalFoundries pour rupture de contrat sur le 10 nanomètres, et ce truc aurait fait à perdre beaucoup d'argent à IBM. Alors pourquoi maintenant? Ben, il se murmure que ça serait parce que le proprio de GlobalFoundries, qui est Mubadala Investment, qui est un fonds d'Abu Dhabi, veut faire une levée de fonds, donc une IPO qui pourrait s'élever à 30 milliards de dollars quand même. Mmh. Et une valeur bien boostée par la crise actuelle. Donc IBM a peut-être commercialement, effectivement, souffert de ce deal, hein, c'est un sujet compliqué, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le bon moment pour aller chercher du pognon chez GlobalFoundries. Mmh. Oui, effectivement, c'est la bonne période, probablement. J'ose pas imaginer la valorisation, ce que ça a pu gagner avec la crise. Intéressant sur cette partie des composants. On va changer encore une fois de périmètre de news pour parler d'Amazon. Alors, on va changer de périmètre, mais pourtant, on va parler de choses qu'on a déjà vues. On avait parlé il y a de ça quelques mois maintenant, je me rappelle plus exactement quand c'était, Guillaume, mais de ce scandale qui avait été mis en lumière en France sur le fait qu'Amazon jetait énormément de produits invendus qui étaient tout à fait propres à la consommation et surtout même neufs, parce que ça leur coûte moins cher de détruire que de stocker et d'espérer peut-être les vendre un jour. Évidemment, un désastre écologique qui se manifeste à nouveau dans un autre pays. Ouais, tu te souviens, c'était ce doc sur Amazon. C'était Capital, c'était non ans. Qui avait ouais, diffusé je crois que ça. C'était Capital, ouais. Il y a deux ans. C'était Capital, oui, il me semble. C'était Capital sur M6. C'était Cash Investigation ou Capital, peut-être. Je ne sais même plus. Je sais même plus. Je pense que ce n'était pas du niveau de Cash Investigation, c'était plus haut quand même. Pardon. Ok, je ne sais pas, je me souviens plus, mais bon, en tout cas, ça continue en Angleterre, enfin en tout cas, pas au Royaume-Uni pour être précis, c'était en Écosse, c'est la chaîne anglaise ITV qui donc s'est fait passer, enfin voilà, et s'est introduit dans un entrepôt de Dufferin. Donc la chaîne, ils ont bossé un petit peu, ils ont fait passer pour des employés, ils ont travaillé, ils ont vu des produits qui étaient souvent neufs effectivement, qui sont retournés par les clients, hein, et qui sont marqués comme à détruire. Et un ex-employé donne l'échelle de ce truc-là, c'est dans les 130 000 trucs par semaine. Ça ferait des millions de produits par an, des dizaines de millions de produits par an. Et donc, les images en caméra cachée montrent bien qu'il y a un chemin labellé, avec un label, Destroy. Et la destination d'un nombre incroyable de produits neufs de toutes sortes, des bijoux, des télés, des téléphones, des livres, des masques, tout ce que tu veux. Les téléculèdes envoyés dans les images. C'est incroyable. Ouais, la vidéo est dans les liens, vous pourrez aller voir. Donc la raison est toujours la même. C'est moins cher à détruire qu'à garder en entrepôt, voire pire, à renvoyer, donc potentiellement très loin. Hein. Et donc ce qui choque, c'est qu'Amazon fait aussi des dons. Ils donnent aussi une certaine partie des produits invendus, mais ils en donnent moins de 30 000 contre 130 000 destructions. La semaine, en tout cas, où le montage, où ils ont montré le truc dans le reportage. Donc, comme si la mention Destroy n'était pas suffisante, le journaliste et les journalistes ont quand même suivi les camions. En nature, mais c'est bien, ils ont bien fait. Ils ont bien fait, oui, c'est clair. Et ces camions, ils vont dans une décharge, tout simplement. Voilà, donc les trucs sont jetés et enterrés. Donc, malgré tout ça, hein, contacté par The Verge, Amazon assure que la décharge qu'on voit dans le reportage est un site de recyclage. Bon, je dépend de ce qu'on entend par recyclage, je suppose. Tu recycles pas en enfouissant les trucs sous terre, toi ? Bah si, c'est une manière de recycler, oui, on veut dire ça comme ça. ça fait de l'engrais, c'est ça. Donc voilà, enfin bon, The Verge a publié, et l'info a relayé l'info d'ailleurs aussi. C'est marrant parce qu'il a relayé l'info, il a aussi relayé une demi-douzaine au moins d'articles sur les meilleures offres d'Amazon Prime. Tu sais, d'Amazon, pardon, de Prime Days. C'est marrant cette schizophrénie qu'on a avec Amazon. Hein. C'est toujours vrai. Fascinant, hein, parce que c'est pas que The Verge, évidemment. Hein. Tous les sites sont remplis d'articles effrayants sur Amazon, et il y a quatre fois plus de textes sur les bons plans Prime Days. C'est dingue quand même. C'est vrai, et moi le premier, hein, à titre individuel, ça nous remet tous en question, je consomme des produits sur Amazon, il y a certains sujets que je me refuse à commander sur Amazon, notamment tout ce qui est, par exemple, les livres, et je pense que pourtant c'est pas le truc le plus emblématique de l'activité d'Amazon aujourd'hui, et je suis paradoxalement pas sûr que Amazon soit le principal ennemi de la distribution des livres dans les librairies, je pense qu'au contraire c'est grande surface, mais il y a quand même effectivement cette schizophrénie à effectivement être très convaincu de ce qu'ils peuvent faire et de pas aligner nos comportements. On reviendra dessus, chaque chose en son temps probablement. Tu vas nous parler un peu de robotique ? Oui, parce que Hyundai possède désormais 80% du groupe Boston Dynamics. Hein, qui appartient. Décidément, ce truc a été vendu, revendu, revendu. Oui, c'est complètement, bah, c'est vrai. Mais il appartient à SoftBank, et SoftBank conserve 20% de participation. Donc c'est 1,1 milliard d'euros quand même, hein, cette transaction, et Hyundai acquiert donc toute la propriété intellectuelle de Boston Dynamics. En fait, Hyundai, c'est énorme. Hein. Il faut voir qu'on connaît peut-être que les voitures Hyundai, ça paraît un petit peu anecdotique. En vérité, Hyundai, c'est une Chaebol, qui est une boîte coréenne donc très ancienne, qui touche absolument à tout, enfin presque. Hein. C'est les grands travaux publics, c'est l'électronique, évidemment, c'est les voitures. Et c'est le premier employeur de Corée, quand même, hein, avec 170 000 employés. C'est un truc qui rivalise avec Samsung. Je pensais que c'était pas aussi gros que Samsung, mais... C'est, en termes de chiffre d'affaires, ça rivalise avec Samsung, et ils ont plus d'employés que Samsung. Wow. Donc c'est quand même incroyable. Et bon, donc Hyundai, qui donc effectivement est aussi une entreprise tech, même si on le sait pas vraiment, bah, ils ont racheté des robots, et en fait, ils veulent en faire des robots pour tous les jours. Alors, ils ont publié aussi une vidéo... donc conjointement à ce rachat qui est assez étrange en fait, puisque voilà, tu vois des robots Boston Dynamics dans la vie de tous les jours, donc des spots à l'hôpital, tu vois une gamine qui danse avec son meilleur ami le robot humanoïde, enfin un peu à peu près humanoïde, tu vois des robots qui sont intégrés comme ça à la vie de tous les jours. C'est marrant puisque c'est finalement effectivement, c'est quelque part Hyundai cherche, enfin clairement ils ont racheté ça pour créer une nouvelle chaîne de valeur, la chaîne de valeur robotique. Voilà, fabrication de composants de robots, de redéfinition de solutions intelligentes. Voilà, c'est peut-être même un vrai gros tournant pour Hyundai qui pourrait devenir une entreprise robotique de premier plan avec Boston Dynamics. On a l'impression que c'est leur ambition en réalité. Hein, c'est vraiment de faire un changement stratégique assez profond. Et ce qui est marrant, c'est que dans les exemples que tu décris, on n'a pas des usages serviciels forts. On a beaucoup j'ai l'impression, de divertissement dans ce que tu es en train de lister avec la petite fille qui danse à côté. Et est-ce que c'est pas là la plus grosse idiotie de la robotique ? Est-ce que c'est pas finalement de considérer que c'est des compagnons ? Alors ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, d'un point de vue de com, si tu veux, le truc, c'est de rendre les robots familiers et sympas, et voilà, de les faire accepter, de les faire acheter. Les robots seront peut-être nos amis pour la vie, je sais pas, en tous les cas. Hyundai projette d'intégrer les robots à notre truc, et c'est pas les seuls, en fait. Hein. Il y a une boîte chinoise qui s'appelle Unitree, qui sort ce qu'on peut rapidement décrire comme un robot chien Spot, mais en tout petit. Donc voilà, c'est un petit chien robot, un petit chien comme, je sais pas, un teckel. Voilà, un teckel robot. C'est le Go One, il coûte 2 700 $, et pour ce prix, comme un vrai teckel, il sert pas à grand-chose. il peut pas porter de charges lourdes, voilà, il sera pas dans grand secours si quelqu'un t'attaque avec un couteau. Cela dit, voilà, petit à petit, les robots sortent des labos, le Unitree, le Go One, il peut te suivre, porter une petite bouteille d'eau, et c'est marrant, en fait, il est intégré à ta vie. Je sais pas, pour l'instant, c'est vrai que, bon, je sais pas si c'est vraiment extrêmement utile, un Go One, mais il y a cette idée, effectivement, que les robots sortent des labos, deviennent petit à petit des produits commerciaux, et puis bon, ben, finiront par trouver leur niche écologique, hein, je suppose. Et il y a cette question quand même, effectivement, de l'impact écologique, de ce que ça représente. Est-ce que finalement, et c'est une vraie question, hein, je ne suppute pas du tout avoir connaissance de la réponse, mais qu'est-ce qui est le mieux pour la planète ? Est-ce que c'est d'avoir un chien d'une race domestique ou est-ce que c'est d'avoir un robot ? Franchement, je me demande, au niveau de l'impact carbone, ce qui est le plus approprié pour la planète. Mais bon, si vous avez des données sur le sujet, ça m'intéresse qu'on les partage, en tout cas. Jeux vidéo, forcément, pour commencer à clore cet épisode de Tech Café de cette fin de mois de juin, avec notamment la réalité virtuelle. Guillaume, forcément, Facebook voulait de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il ne voulait pas commencer à tester un moyen supplémentaire de monétiser la réalité virtuelle ? Fais-nous rêver. Mais évidemment, bah, on a la confirmation des plans de Facebook, hein. C'est de faire Ready Player One en vrai, mais avec le méchant qui gagne, c'est-à-dire voilà, les méchants qui foutent des pubs partout, tu sais. De toute façon, c'est évident que c'est comme ça que ça devait se finir, hein. Le film a une histoire débile. Non, mais le film a une histoire débile, hein. C'est le film a une histoire la plus idiote que j'ai jamais vue. Mis à part les effets du visuel, rien ne va dans Ready Player One, mais ce n'est pas le sujet. C'est je m'égare encore une fois. C'est pas faux. Non, mais t'as raison. C'est... Il faut le souligner parce que c'est quand même aussi un excellent film qui a été beaucoup réduit au mauvais scénario. Et forcément, c'est pas terrible dans l'histoire. Mais par contre, le film est bien fait. Il faut le voir pour son rendu et ses quelques scènes qui, d'un point de vue visuel, sont très intéressantes quand même. Et ben donc, le sujet, c'est Facebook qui rachète à peu près tous les studios VR qui passent. Hein. Donc il y a Big Box la semaine dernière, il y a Unity 2 celle d'avant, il y a Beat Game avant ça encore. Donc voilà, ça veut dire que Facebook possède en clair un Fortnite, donc c'est Population One, un Roblox qui s'appelle Creta en fait, un Roblox-like hein, pour VR. Et puis aussi une palanquée de jeux exclusifs, hein, et évidemment ils ont son propre Miiverse. Donc c'est un petit bébé monopole qui pourrait grandir et faire son chemin. Donc il reste plus évidemment qu'à mettre des pubs en 3D dans l'espace VR et c'est plié. Bon, pour l'instant, c'est un test dans 3 apps Oculus. Après avoir rendu le compte Facebook obligatoire, quoi de plus normal hein, que de mettre de la pub sur Oculus, c'est quand même le cœur de métier de Facebook. Donc, nouveau périphérique, bah, égale nouvelle source de données sur votre vie. Donc youpi, capteur de fitness, lunettes de réalité augmentée, casque VR, tout ça, c'est plein de nouvelles data à monétiser, hein, c'est logique. Alors pour l'instant, les tests font un peu pitié quand même, hein, puisque c'est des simples bannières, on est presque déçus, tu vois. Mais bon, pas d'inquiétude, je suis sûr que les panneaux circulaires ou cylindriques qui suivent ton regard, voilà, les pole dance holographiques qu'on a tous en tête avec les films de science-fiction, sont pas très loin. Après, bon, c'est accueilli de manière assez tiède par les utilisateurs. D'ailleurs, Resolution Game, qui devait mettre des expérimentations de pub dans un jeu qui s'appelle Blastone, donc c'est une sorte de shooter en duel en réalité virtuelle, ben, il faut dire que c'est un jeu payant quand même, alors qu'on voyait plutôt ça dans des jeux gratuits. Bon, Revolution fait marche arrière, mais bon, ça arrivera certainement bientôt, à un moment donné, peut-être même assez rapidement, peut-être même d'ailleurs avant l'alternative luxe à l'Oculus Quest, qui on l'espère, va rester sans pub in-game, le PSVR 2, puisque le PSVR 2 aurait une vague date de sortie. Bon, en fait, c'est Bloomberg qui lâche une info qui dit que c'est fête de fin d'année 2022 pour le PSVR 2. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? On ne sait pas. En tous les cas, ça sera officialisé l'année prochaine si c'est le cas. Sur la VR, évidemment qu'ils sont revenus en arrière. Je vois pas comment est-ce que de la publicité dans une app Oculus pour avoir démontré une efficacité. Je pense qu'aujourd'hui, le simple fait de savoir que quelqu'un s'intéresse à la VR est autrement une donnée bien plus intéressante d'un point de vue publicitaire. Mais parce que il y a quand même pas beaucoup de joueurs de réalité virtuelle. J'essaie d'en savoir un petit peu plus sur le nombre de joueurs en réalité virtuelle. J'ai découvert qu'il y avait en tout cas la progression en 2020, c'est un chiffre que j'ai trouvé rapidement, de 1,7 million de nouveaux joueurs, ce qui à l'échelle de la planète est assez ridicule finalement, et c'est une progression. Alors je sais pas de combien ça part et à combien c'est arrivé, je sais pas quelle est l'évolution en 2021, mais ça peine quand même à se démocratiser. Peut-être effectivement que le PSVR 2 pourrait être un de ces produits qui contribuerait à démocratiser. Et d'ailleurs, je me disais, Guillaume, tu sais qu'on avait cette réflexion avec Cassim dans le dernier épisode sur à qui s'adresse la Xbox, à qui s'adresse la PlayStation 5, très schématiquement et très sommairement. Et il y a aussi cet argument de la réalité virtuelle, quoi. Il y a le PSVR 2 qui normalement devrait arriver, a priori en 2022 si on en croit Bloomberg, mais effectivement du côté de chez Xbox, il n'y a pas cette même proposition. Donc là aussi, ça peut être un argument d'arbitrage. Alors pendant qu'on parle des consoles de jeux vidéo, il faut qu'on parle, Guillaume, de l'actualité autour du jeu emblématique des consoles, c'est Cyberpunk. Il y a du nouveau sur Cyberpunk qui est bien plus fluide maintenant, Guillaume, sur PlayStation 4. Ouais, bah d'ailleurs, il est de retour sur le PSN aussi, mais ne l'achetez pas hein, si vous avez une PlayStation 4 de base, et c'est pas moi qui le dis, c'est Sony, hein. Il y a un avertissement sur le store qui est non ambigu. Si vous n'avez pas au moins une PS4 Pro, passez votre chemin. Bon, au moins c'est clair. Alors, depuis 6 mois, il y a eu beaucoup de travail sur Cyberpunk, sur PS4 et ailleurs. Il faut bien voir que le jeu quand même reste un titre next-gen et qu'on a forcé ça sur les, consoles d'ancienne génération. Donc, le dernier patch donne un jeu PS4 fluide, mais pratiquement vide de tout PNJ et de tout trafic. Parce que voilà, c'est à ce prix qu'on affiche du 30 images par seconde constant. Globalement, le processeur de la PS4 est tellement famélique que gérer les NPC et les voitures, c'est trop compliqué, donc il en faut le moins possible. Donc voilà, des fois, il vaut peut-être mieux éviter de forcer les trucs sur des machines qui sont pas vraiment prévues pour ça. Regarde Flight Simulator. Flight Simulator, qui est d'ailleurs aussi notablement très très lourd sur le CPU, il était prévu sur Xbox One l'an dernier, et bien finalement, il sera disponible que sur Xbox Series. Et c'est sans doute pour le mieux. Ouais, bon, ils auraient pu tenter, je pense qu'ils auraient pu tenter. Hein. Tu peux toujours prendre une grosse bouteille de vaseline et voir si ça passe. Mais je pense que ça aurait été sale. C'est beau, quelle belle analogie. Xbox qui joue les prolongations, Guillaume ? Bah oui, comme annoncé, Xbox a joué les prolongations avec une extension de son showcase où on a vu plus ou moins la même chose, enfin plus de la même chose. Ce qui est pas mal forcément, puis il y a eu plus de détails sur plein de jeux, il y a Age of Empire 4, Flight Simulator, Scarlet Nexus, Halo, Stalker 2, voilà, on a eu plus de détails. Bon, rien de complètement indispensable non plus, on va pas s'étendre dessus, surtout que voilà, on a déjà fait pas mal assez long. Bon, si on attendait plus de gameplay next-gen, c'est pas la peine, voilà, c'est à peine perdu aussi. Il a bien été question de Hellblade 2, quoi, que tout le monde attendait un petit peu, je suppose, c'était la sensation quand même de la présentation de l'an dernier. Ça a été assez décevant, puisque le jeu n'est... ils ont avoué que le jeu, finalement, n'est même pas encore entré en production. Voilà, donc, il y a eu que de la pré-prod. Il y a eu beaucoup de promesses, cela dit, avec des décors naturels... Ils sont allés en Islande, bon voilà, il y aura des persos les plus réalistes possibles. Epic est sur le coup, donc ce sera du Unreal Engine 5 avec Epic Games qui est à la rescousse pour les super persos là. Les humains virtuels, on l'a vu, c'est un petit peu leur nouveau dada de toute façon. Donc c'est quand même, ouais, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant d'avoir pas vu vraiment de gameplay qui tue, c'est un petit peu dommage. Bon, autre news Xbox, puisqu'on y est, qui est peut-être plus marquante finalement que le showcase d'un point de vue stratégique, c'est que Kim Swift... vient d'atterrir chez Xbox. Alors Kim Swift, c'était déjà c'est celle qui est à l'origine de Portal, mais elle est aussi connue, pour avoir été design director chez Stadia. Donc Stadia avant que Stadia renonce à faire des jeux tout simplement. Donc pourquoi c'est important ? Donc Kim va reprendre en fait chez Xbox ce qu'elle faisait chez Stadia avant que Google décide donc de tout dégager sur un coup de sang apparemment. Donc elle travaillait sur des jeux cloud native parce que bon. Pour l'instant, autant chez xCloud que sur Stadia ou Luna ou sur ce que vous voulez, on joue à des jeux normaux. Normaux entre guillemets, C'est-à-dire c'est des jeux qu'on pourra avoir sur PC ou PS4. Ils sont pensés console de salon et ils sont juste exécutés par un serveur, quoi. Exactement. Mais la promesse de Stadia, c'était d'aller au-delà de ça. C'était, n'oublions pas qu'ils l'ont présenté comme une console elle-même, comme une nouvelle manière de jouer. Plus que de jouer à des jeux normaux dans le cloud, le projet c'était qu'à terme, on puisse avoir des jeux qui ne peuvent fonctionner que dans le cloud, qui serait impossible d'avoir sur une console. C'est intriguant, puisque ça pourrait être des jeux qui requièrent une énorme puissance de calcul spécifique, par exemple sur du matos spécialisé, en IA ou en physique ou ce que tu veux, ou bien qui requièrent une connectivité spécifique, ou alors un accès rapide à un volume de données énorme que tu pourrais pas avoir sur ton disque dur. Il y avait plein de possibilités, mais bon, et ça, c'est mort avec les ambitions de Stadia, quelque part. Et là, le fait que ça vienne chez Xbox... il y a potentiellement la nouvelle génération de jeux que Stadia devait apporter, peut-être qu'elle arrivera sur xCloud, tout simplement. Et Hideo Kojima, qui était partant pour ça dès 2019, pourrait faire un truc de ce type-là, selon les rumeurs, ce n'est rumeur, il travaillerait sur une exclu Xbox qui pourrait finir par être un jeu cloud native. Donc voilà, le jeu cloud native ne sont pas morts, il semblerait. Probablement avec des effets assez incroyables si jamais la qualité de la connexion suit et ne vous la dégrade pas. Ça doit être assez bluffant ce qu'on doit pouvoir faire avec des serveurs comme ça, de telles ressources. On a fait le tour de notre rubrique jeux vidéo. Guillaume, est-ce qu'il y a des news en vrac que tu avais prévues qui te semblent suffisamment incontournables pour être partagées dans cet épisode ? Écoute, peut-être pas, peut-être qu'on peut juste dire que, puisque Cassim l'avait mentionné la dernière fois, Windows 11 donc, va prendre en charge les processeurs hétérogènes. C'est-à-dire les processeurs comme le M1 d'Apple la plupart des processeurs de téléphones mobiles qui ont donc un petit cluster économe en énergie et en gros cluster puissant, donc ce qu'on appelle les Big Little. Et en fait, non seulement il va les prendre en charge, mais il va mieux les gérer parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que Windows 11, en fait, va accompagner aussi Alder Lake, donc la prochaine génération de CPU Intel, qui est donc en Big Little, et on a vu, enfin, sont sortis des benchmarks, donc des tests pour savoir à quel point c'est plus Windows 11 est plus performant que Windows 10 avec les CPU Alder Lake. Et il semblerait que on soit, donc, alors ça dépend évidemment des trucs, mais on soit autour de 5 à 6%. En single thread, en fait, c'est 2% de mieux, c'est pas énorme évidemment, mais c'est forcément, puisque c'est, voilà, c'est qu'un seul cœur qui est utilisé, mais quand on est en multithread, c'est 5,8% de mieux. Donc le noyau de Windows 11 serait donc beaucoup plus efficace, enfin beaucoup plus, ce sera quand même nettement plus efficace que le noyau de Windows 10 sur les prochains processeurs Intel Alder Lake et sur tous les processeurs du même type. Donc on a effectivement une petite, voilà, un petit complément d'information sur ce que disait Kassim, c'est-à-dire que non seulement Windows 11 va gérer les processeurs comme ça, mais qu'il va mieux les utiliser. D'ailleurs, pour finir, Windows 11 pourrait aussi se décliner en Windows 11 SE, puisqu'apparemment, quelqu'un a trouvé une mention de Windows 11 SE, donc il est aussi possible que Windows 11 se décline en une version light, comme ils ont testé d'ailleurs plusieurs fois d'autres versions light de Windows 10, et apparemment, ça ne les a pas dégoûtés. Mais c'est curieux, hein, parce qu'encore une fois, on s'éloigne de plus en plus de cette promesse d'avoir un seul et même système d'exploitation Windows 10, comme ça, qui soit vu comme un service, mais plutôt d'avoir des déclinaisons. Bon, évidemment, tout ça ne sont pas des infos officielles, et on suivra ce qui s'en dira. Peut-être quand même aussi un petit mot sur... C'est quand même intéressant, ça, de le relayer, parce qu'on parle de puces et de l'optimisation. Google qui optimise ses puces liées au deep learning, avec, justement, du deep learning. Ouais, moi, j'aurais préféré en parler un petit peu plus longuement parce que j'ai vu beaucoup passer des titres, des titres qui disaient, voilà, les puces intelligence artificielle qui fabriquent de meilleures puces à intelligence artificielle, gna gna gna. Bon, en fait, c'est beaucoup moins impressionnant que ça. C'est-à-dire que quand tu fabriques une puce, en fait, c'est tu joues à une sorte de gros Tetris en 2D, quoi. C'est-à-dire que tu as des blocs fonctionnels, et tes blocs fonctionnels, tu dois les mettre côte à côte, et tu dois les connecter les uns aux autres pour fabriquer ta puce. Hein, bon. Donc en gros, tu as une espèce de puzzle, tout simplement, en 2D, et ce puzzle, chaque solution de ce puzzle consomme une certaine quantité d'énergie, elle a une certaine efficacité, parce que voilà, les connexions sont plus ou moins optimales. Et en fait, c'est tout un jeu, c'est plus qu'un jeu, en fait, c'est une sorte d'art, d'essayer d'optimiser le routage de tes puces. Donc optimiser le routage des puces, c'est super chaud, et évidemment c'est aidé par des logiciels, mais globalement c'est surtout fait à la main en fait, hein, parce que c'est très compliqué, parce que c'est un petit peu comme jouer au Go. Jusqu'à présent c'est pareil, tu vois, jouer au Go, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu peux faire jouer au Go un ordinateur, mais il est très con. Un ordinateur, il n'a pas l'expérience et la vision d'ensemble qui permet de bien jouer au Go. Et en fait, jusqu'à présent, les logiciels, ils n'avaient pas non plus la vision d'ensemble qui permettait de bien optimiser les routages et l'organisation d'une puce. Et ce qui change, en fait, c'est que chez Google, ils ont utilisé des résultats de recherche d'algorithmes qui utilisent le deep learning, comme donc DeepMind avait utilisé le deep learning pour améliorer les algorithmes de Go et permettre d'avoir cette vision d'ensemble qui permettait aux ordinateurs de mieux jouer au Go. Ils ont appliqué ça, enfin évidemment c'est pas du tout les mêmes algorithmes, c'est pas du tout les mêmes contextes, mais c'est un petit peu la même chose, parce que c'est un petit peu cette idée de puzzle comme ça en 2D. Ils ont utilisé le deep learning pour améliorer des algorithmes qui permettaient justement de faire des routages beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapidement que les autres en réalité. Donc c'est pas que les IA ne vont pas designer des puces pour IA. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a réussi à trouver de meilleurs algorithmes pour optimiser le placement des blocs fonctionnels sur les puces. Et ça facilite tout simplement le boulot des ingénieurs. En aucun cas, ça ne remplace le boulot des ingénieurs. Évidemment, ces algorithmes ne fabriquent pas des puces. Tout ce qu'elles savent faire, c'est placer de la meilleure manière possible, très rapidement, des ensembles de blocs comme ça, ce que les mecs devaient faire à la main avant. Et voilà, donc c'est intéressant parce que, d'une part, c'est très important parce que ça permet de fabriquer des puces plus efficaces plus rapidement, donc c'est génial. Par contre, c'est pas un truc qui, on n'est pas à la singularité, quoi. C'est pas que les IA sont en train de fabriquer des IA et ce genre de truc. On n'en est pas du tout, c'est pas du tout ce truc-là. En fait, il faut vraiment le voir comme une amélioration des outils d'ingénierie. Me dis pas que t'es tombé sur des articles à ce sujet qui est illustré par des robots qui fabriquent d'autres robots en vue de conquérir la planète quand même. Non. Non, peut-être, je sais pas, peut-être pas aussi, bon, enfin, je sais pas, mais peut-être pas aussi caricaturant, mais c'est vrai que, voilà, c'est facile, si tu veux, de simplifier un peu le sujet comme ça, quoi. Bien sûr, et il faut toujours s'attarder sur le sujet. Et je pense que c'est une des choses que vous retrouvez dans Tech Café et qui vous plaît, c'est aussi cette manière de déchiffrer un petit peu l'information et de la remettre dans son contexte. En tout cas, c'est aussi notre vocation. Et on est ravis de le faire en votre compagnie, dans vos oreilles, semaine après semaine. On espère aussi que vous passez un bon moment, que c'est pas un moment d'angoisse, ça m'embêterait quand même de savoir que vous êtes stressé quand vous nous écoutez et qu'au contraire, c'est une source de divertissement. J'espère que je suis remonté. Ah, que t'es remonté par rapport à quoi? Le commentaire de tout à l'heure? Ah bah si je suis condescendant... Mais non. Mais d'ailleurs, tu vas mais voir... Mais remonté. Bien sûr. Non, mais je suis sûr que tout cela n'est qu'un commentaire isolé. Et en tout cas, on compte sur vous pour faire savoir à quel point vous aimez le podcast et surtout déposer des commentaires sur techcafé.fr, déposer des avis sur Apple Podcasts. Venez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord dont le lien figure dans les notes de l'émission. En plus, si vous êtes un abonné sur la page Patreon, vous avez accès à une rubrique secrète, cachée, qui vous permet d'accéder en avant-première aux notes des épisodes. On peut évidemment nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel? On peut te retrouver hein, à titre individuel. Où ça, Guillaume? Allons. Je sais pas, probablement pas sur un forum du Dark Web où je proposerai mes services pour... une certaine somme en monnaie. Je pense qu'on peut te retrouver derrière la saison 5 de Rick et Morty, non? Ah oui, mais ça facilement, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cette émission. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et puis, pendant qu'on y est, là, maintenant, on va pas se quitter en si bon terme. Je vous invite à foncer, écouter tout simplement l'épisode estival de ReLife, probablement le seul podcast où on vous parle d'iOS 15 et de barbecue et de comment améliorer vos présentations. Et puis, si vous voulez écouter encore un peu plus Guillaume Poggiaspala, vous pouvez aller l'écouter, vous parler de The Current Wars, le film sur Tesla, qui sera, au moment où on enregistre cet épisode... Et le film sur Tesla, c'est deux films différents. Et le film sur Tesla, oui, mais ça parle d'électricité quand même. Enfin bon, bref. Oui. Vous pouvez aller écouter Paraculte, ou en tout cas vous abonner pour être informé dès que l'épisode sortira. C'est un podcast sur la pop culture et plus globalement sur les choses qu'on a aimées. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.